Selon le journal sud-coréen Precision, l'Association des citoyens pour les femmes de réconfort au service de l'ancienne armée japonaise a organisé le 1er juin une conférence de presse devant la statue de fillette de la paix qui se trouve devant la mairie de Gwangju pour dénoncer les autorités japonaises qui ont justifié la réquisition forcée par des désinformations et qui ont violé l'honneur des Coréens.